أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن علامة الساعة من كثرة الجهل بعلم الدين وهذا كله حصل ونحن فيه. Donc on a parlé des signes de la fin du monde et de la propagation de l'ignorance, de la science, de la religion, et tout ceci est arrivé. Et on est dedans, en fait. Et donc, ومن العلامات الصغرى أيضا زوال جبال عن مراسيها وكثرة الزلازل وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا. Donc, parmi les signes de la fin du monde, donc il y a les tremblements de terre, beaucoup de tremblements de terre, et des maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant. Beaucoup de charlatans, c'est ce qu'on a dit l'autre fois, et beaucoup de gens qui appellent à la discorde. Et c'est ce qu'on a vu, la plupart des gens qu'on voit soi-disant des leaders, des prétendus représentants de l'islam, mais en fait c'est des charlatans. أكثر الناس المعروفين المشهورين يتكلموا باسم الدين هم في الحقيقة يعني ناس يدعون إلى الضلال. إذن كذلك تغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. Donc le changement de climat en hiver c'est comme ça arrive des moments comme en été et en été ça arrive des moments comme en hiver. وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل أي الجهل بعلم الدين وهذا قد حصل وكثرة القتل والظلم كثرة القتل والظلم beaucoup d'injustices beaucoup de d'homicides وتقارب الزمان الوقت يتعدى بسرعة donc le temps qui passe vite وتقارب الأسواق كثرة الأسواق beaucoup de marchés beaucoup de donc les marchés c'est partout ça c'est marché en fait dans islamiquement même un centre commercial s'appelle marché en fait il y a les boutiques ça s'appelle marché c'est pas le marché conventionnel forcément et là tabar thama ad-du'a ذكر الدعاء تاع السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يكتب له ألف حسنة donc il y a un dua du marché même tu passes à côté des boutiques tu fais ce dua il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام mille bonnes actions mille fois mille ça fait un million. C'est quoi ce dua? C'est des vocations. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu, yuhi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadi al khayru, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça efface un million de péchés, ça inscrit un million de hasanat. Yamha anhu, million say'a, wa yuktab lahu million hasanat. شوف الدعاء أهمية الدعاء في الإسلام. Donc ça, ça montre l'importance de l'évocation de Dieu. إذن وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام. وهذا ورد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ومن وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال عليه الصلاة والسلام سألوه قال شئتي زمان شئ الناس تتداعى عليكم كما تتداعى الأكالة على قصة التعر كما تحط كسكسية بخير ما يعملوا الناس كل جهة. Donc le prophète il a dit que les gens vous entouraient comme les gens ils entourent le plat. Quand on met un bon couscous avec la viande tout ça, si on met et les gens ils ont faim, hop, ils entourent, ils trouvent même plus de place. Alors il y a quelqu'un il a demandé, قال من قلة نحن يوم أذن يا رسول الله. Il a dit parce que pourquoi on sera peu cette ce temps là. Rasoul قال عليه الصلاة والسلام بل أنتم كثير. Non, mais en fait vous serez beaucoup. En réalité vous êtes beaucoup. Mais ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ينفع؟ ما ينفعش. غثاء هذا بتاع السيل. يعني بزاف ولكن ألف كتف. ثم يقول لك راجل كألف وألف كتف. هيك يقولوا العلماء. Il a dit non, vous serez beaucoup, mais il a dit comme les brindilles du flot, les petits trucs là qui passent dans l'eau là, les petites entre guillemets, les brindilles. Est-ce que c'est utile à quelque chose, les brindilles du flot là? Tu vas les ramasser, tu vas faire quelque chose? Non. Donc ça veut dire il y a le nombre, mais c'est-à-dire beaucoup, bah, ils sont loin du bon chemin. On voit, c'est vrai, on voit un grand nombre. On leur met n'importe qui, même pas un musulman, on lui met une barbe, il passe à la télé, et les gens vont dire chir. Ça serait, lui, il est même pas un musulman, on lui a mis la barbe, on lui a passé une chaîne arabe, chir. Lendemain, on prend n'importe qui ici. On met dans une chaîne arabe, je ne dis pas de nom. N'importe qui ici. On lui met maquillage, hein. Ils ont des gens spécialisés, maquillage, barbe. Les gens, une semaine, ça y est, les gens t'appellent cher. C'est très facile. Ils ne savent même pas d'où tu viens. Même si tu vends de la drogue, tu passes à la télé un petit maquillage, les gens vont dire cher. C'est-à-dire, manipuler un million, c'est très facile. Il suffit que tu passes à la télé. Pour passer à la télé, il faut avoir l'argent. Donc, comme il a dit le prophète, il y en a beaucoup. Mais les manipuler, c'est... Il suffit de voir, même des gens qui viennent ici, tu te dis, ah, telle mosquée, c'est la référence. Quelle mosquée référence? Parce que dans la mosquée, c'est des prophètes? Ben non. Ils suivent aveuglément. Tu dis, non, voilà le hadith. Tu dis, non, non, moi, c'est l'habitude. Tu dis. Et donc, كَرُثَاءَ السَّيْلِ قَالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مليون واحد, جيب لهم واحد, حتى مش مسلم تحط له لحية تعدي في التلفزة تحفظه شوية عربية الناس تسميه شيخ وميحكي مع حد يقولهم حتى يقولهم حلال حرام ما على بالهم في واحد لحية هيك يقول الناس معليش سب الرسول عيني عينك والناس تقول له شيخ ها كان وريكم الفيديوهات يقول معليش سب الرسول شو مش مزال إذن كما قال الرسول غثاء كغثاء السيء خاطر عنده لحية وقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم بعد يقول الكفر الذي يريد مرحبا عندهم هم الناس جهال il suffit de voir quelqu'un juste il a une barbe il dit aux gens tu peux insulter le prophète et c'est des gens de cette époque hein. Donc manipuler les gens c'est très facile il suffit d'avoir l'argent il y a des gens il leur dit va mourir il va mourir. La preuve. Il suffit de voir. Des gens, ils ont bac plus 5, ils vont à la fac et après, ils veulent faire. Ils partent dans l'extrémisme. Ça, c'est pas on dit, on l'a vu de nos yeux. Et donc, comme le Rasoul, Routha, Karoutha, Essay. Hek, Akal, Alayhi, Sotou, Sa. Kal, Wala, Yenzi'anna, Min Kouloubi, Adou, Kun, Mahabata, Min. Makathir, Djohel, Ou Bad, Addin. ما عادش يهابوك. قلت له هذا انت بعت دينك في مازال في تسوى انت هيك، حتى الكفار يشوفك تبيع دينك انت يقول لك هذا ما عم يشوفوا الشد في الدين يحترموه، يقول لك هذا عنده شخصيه، عم يبيع دينه كيما بزاف. قلت له هذا في دينه ما لقاش فيه الخير، نحترموه نحن ولا؟ اذا دونك البروفيت الذي يلوتخا دو دو كور دو فو زينمي لا بور لا ريسبي كيز افي انفير فو. Même des non-musulmans, ils voient que tu ne respectes même pas ta religion, ils vont dire, toi, tu n'as pas de personnalité, tu ne vaux rien. Mais quand tu respectes la religion, ils vont te respecter. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, lui, il a de la valeur. Ils ne vont pas sa religion, il a des principes. Mais beaucoup de gens, à la moindre occasion, ils vont sa religion. Et ils remarquent, hein? Même des non-musulmans, ils vont dire, oh, ce gars-là, ça ne vaut rien, il fait tout ce qu'on fait, nous, tout ce qu'on dit. Il n'a pas de personnalité. Et donc, comme il a dit le prophète, et ça, tout ça, c'est ce qui existe. C'est ce qui existe. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Rasoul Madakal, le musulman mirat ou akhihi. Le mirat, il t'amène avec Photoshop, toi, il y a des choses qui sont des choses. Le prophète, il a dit le musulman pour son frère comme un miroir. Le miroir, il ne fait pas Photoshop, tu ne fais pas tricage. Si il y a une erreur, tu la vois direct. Il n'y a pas d'effet spéciaux, le miroir. Et il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, alam rizqna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu al-mursalina, wa alhamdulillahi Rabbil Alameen.